Chapitre 3. Ma mère m'aimait passionnément. Elle avait reçu, je l'ai dit, une bonne éducation et avait tenté d'éveiller dès mon plus jeune âge mes facultés intelligentes. Il faut que j'analyse ici ce que j'ai ressenti dès les premiers temps de ma vie, car à la différence de tant d'autres, mes souvenirs d'extrême enfance sont, à un certain point de vue, très nets et très saisissables. Si ceci était destiné au public, je devrais m'abstenir, car je serais taxé de mensonges et peut-être de folie, comme le redoutait mon père alors qu'il reculait devant l'aveu de la vérité anti-scientifique. À moi seul, je dis ceci, j'avais à peine 2 ans, que dans le sommeil le plus profond, je savais que ma mère s'éveillait et pensait à moi. Sur cet avis de l'invisible, je m'éveillais moi-même et j'attendais. Écoutant de toutes mes oreilles, je n'entendais aucun bruit. Puis peu à peu, je percevais le son d'un soupir, d'un bâillement comprimé. Elle se levait pieds nus et venait auprès de mon berceau. J'entr'ouvrais les yeux, pas assez pour qu'elle ne me crût éveillé, et elle me semblait enveloppée d'une buée brillante. Elle m'embrassait et je me rendormais profondément. Plus tard, et avant qu'elle fût visiblement atteinte du mal, j'emploie les mots consacrés, qui la devait tuer, j'avais ressenti l'impression que voici. J'étais assis à quelques pas d'elle, jouant. Elle me regardait d'un regard aimant, alors, sur mon front, dans mes cheveux. J'avais la sensation d'un souffle très doux, d'une caresse éthérée, et pourtant matérielle. Je ne m'en étonnais pas, ne sachant pas encore que je dusse m'en étonner. Je sentais l'impression de ses bras avant qu'ils m'eussent entouré, le baiser de ses lèvres avant qu'elles eussent touché mon front. D'autres fois, alors que depuis quelque temps je ne m'étais pas approché d'elle, je sentais soudain un effleurement léger, comme si quelqu'un m'eût touché à l'épaule pour solliciter mon attention. Puis, une aimantation m'attire vers elle. J'allais l'embrasser et elle non plus ne semblait pas étonnée. Elle m'avait désiré et j'avais obéi, rien de plus. Pourquoi s'étonner? Ma mère m'avait porté, elle m'avait nourri de son lait. Le plus naturel de tous les liens nous unissait. Que cette union fût d'un degré supérieur, je ne le nie pas. Il y a des instruments dont les tonalités s'harmonisent exceptionnellement, mais c'était pour moi surtout qu'était vraie cette parole. L'enfant est une plante sans cesse arrosée de maternité. Si j'étais malade, ma mère m'enveloppait d'elle-même, non pas au figuré, mais dans la positive expression du mot. Son amour émanait d'elle pour s'épandre autour de moi comme une vapeur tiède. Si je me cognais à quelques meubles, je courais à elle pour qu'elle baisât la place meurtrie, et la douleur disparaissait. Si j'avais mal aux dents, elle passait son doigt sur mes gencives et le mal cessait. Magie maternelle dont on voit les effets tous les jours et qui passe inaperçue. Qui en écrira le rituel? En vérité, alors même que j'étais sevré, ma mère continua à me nourrir de sa substance. Je crois, et ceci n'est pas une offense à la mémoire de mon père, que ma mère ne comprit du mariage que les joies de la maternité. Elle avait une nature expansive qui cadrait mal avec le calme équilibré de mon père, l'homme raisonnable par excellence, de 25 ans plus âgé qu'elle, et trop ami pour être amant. Elle avait l'imagination vive et me contait le soir des récits qu'elle composait elle-même et qui me montraient des régions ensoleillées d'une exquise lumière. Je me rappelle que je lui demandais tantôt le conte Gris-Perle, tantôt le conte Mauve, tantôt le conte d'or. Les énonciations de couleurs résumaient pour moi l'émotion spéciale que m'apportait chacun de ces récits. Mon père restait grave en les écoutant. Il ne lui plaisait guère qu'on me troublât ainsi l'esprit. Le féerique un peu gros des chabotés, des ogres ou des podanes lui paraissait moins dangereux pour l'imagination que ses vagues et paradisiaques évocations. Ma mère le comprit et se tut. Mais ce qu'elle ne me disait plus tout haut, je l'écoutais encore dans son regard, dans la caresse de ses mains, dans le rythme de son pied battant le tapis. J'étais faible, nerveux, irritable. Mon père me raisonnait, s'efforçait de me corriger de mes défauts par l'éducation quotidienne. Il me faisait prendre du fer, des toniques. Il était grand partisan de la gymnastique. Ma mère, elle, combattait ma faiblesse en m'infusant sa force, calmait mes nerfs en les détendant sous son souffle, brisait mes colères dans le rayonnement de son exquise placidité. Je sais, Je suis convaincu que je n'ai vécu que par ma mère, et je sais aussi que c'est de moi qu'elle est morte. Dans son élan perpétuel de maternité, elle s'est dépensée, donnée tout entière. Je sais, dis-je, car j'ai vu. Oui, et nul au monde n'a entendu cette parole sortir de mes lèvres, j'ai vu, dans les jours, dans les nuits où ma mère en crise était immobile, j'ai vu sa forme s'approcher de moi, j'ai senti sa vie me pénétrer, sa vitalité s'adjoindre à la mienne. Et c'est de cet effort incessant pour se verser en moi, par une sublime et adorable endosmose, qu'elle s'est épuisée, qu'elle s'est tarie, qu'elle s'est drainée, qu'elle est morte. J'ai dit que la conduite de mon père fut angélique. Aucune expression ne peut mieux qualifier la bonté, la patience, la maternité dont à son tour il fit preuve pendant le long alanguissement de ma mère. Certes, il aurait donné sa vie pour elle, s'il avait su comment. Il y eut dans cette raison sage de terribles combats que je devine maintenant. Car j'ai su depuis qu'il était allé en secret consulter des spécialistes, qui n'étaient rien moins que médecins, mais qui, hélas, n'étant pas moins ignorants, alarmés par le fatras mystique de leur déclamation, son bon sens de bourgeois voltairien. J'ai trouvé chez lui un amas de livres qu'il a dû 100 fois relire et étudier. Mais il était doué avant tout de cet esprit bien français qui réclame la netteté, la clarté, qui veut comprendre et n'agir qu'à bon escient. Car quoi qu'on en ait, la raison française est éminemment mathématique. Il lui faut la déduction que rien n'interrompt, le fil que rien ne noue ni ne brise. S'il eût compris ce qui se passait en ma mère, comme je le comprends, moi qui vais mourir peut-être de haine comme elle est morte d'amour, il l'eût sauvée, sans doute. Mais qui le lui eût expliqué ? Entre les ignares officiels et les mystiques charlatans, il donna la préférence au premier et n'eut pas tort, en somme. J'avais 12 ans, quand ma mère mourut. Je fis alors une longue et douloureuse maladie, pendant laquelle mon père me soigna avec un dévouement qui ne se démentit pas une seule minute. J'ai dit que je me souvenais des impressions de ma jeunesse. Il en est une que je n'ai pas oubliée, que je ne pouvais pas oublier, et que je vais analyser dans toute sa rigueur de vérité. Ah, comment rirait-on si on savait cela ? Les médecins diagnostiquaient en moi un épuisement complet, une anémie parvenue à son dernier période, compliquée de gastralgie, névralgie, etc. Ma faiblesse était telle que j'étais toujours étendu soit sur mon lit, soit dans une chaise longue. J'avais des bourdonnements aux oreilles, des troubles visuels, puis un infini besoin d'immobilité. Le moindre mouvement était pour moi une souffrance et développait en tout mon être des crispations qui se traduisaient par de véritables accès de fureur. En somme, c'était une maladie normale, classée, et dont on prévoyait à court terme la terminaison naturelle. Hérédité maternelle, disaient les bons graves. Une nuit, mon état de faiblesse avait pris des proportions telles que mon père vint s'installer auprès de mon lit. Je le voyais comme à travers un voile, et pourtant je me souviens qu'il pleurait. En réalité, je me sentais mourir, c'est-à-dire que de tout mon être, quelque chose s'en allait, que je ne cherchais pas même à retenir. Bien que mon cœur battît à peine, je sentais le choc lourd de chacune de ces pulsations par lesquelles il s'efforçait de lancer encore dans la circulation l'oxygène régénérateur. Tout à coup, mon père, pris d'une sorte de frénésie, se leva, se pencha vers moi et me cria, d'une voix qui retentit à travers mon organisme comme un coup de clairon. « Mais je ne veux pas que tu meures. Je t'en prie, mon petit. Mon cher petit enfant, fais un effort, réagis, aie la volonté de vivre. » Et soudain, je compris ce mot de volonté. Il se passa en moi quelque chose d'instantané et de formidable à la fois. Je ne fis pas un mouvement, je ne me raidis point dans un effort visible, mais je sentis que dans mon cerveau se concentrait une énergie d'une énorme intensité. Je voulus. Et je vécus. Cette fois, je vécus par mon père, qui, dans une exclamation inconsciente, m'avait appris la volonté. Chez lui, ce cri avait été l'instinctive expression d'une sorte d'appel au miracle. Et ce miracle s'était accompli d'éveiller en moi une notion encore ignorée, de me contraindre à une centralisation de force, à la détente d'un ressort qui changea le plan de mon être vital. Modification d'équilibre qui s'exerça à mon bénéfice. J'étais sauvé. mais je puis dire aussi que j'étais perdu, car j'avais, selon l'expression biblique, cueilli l'arbre de science qui est la volonté. Et c'est la volonté qui peut-être me tuera tout à l'heure.